suite et fin de notre histoire de la science-fiction française. Après le deuxième âge d'or des années 70, les années 80 font l'effet d'un trou noir et le panorama éditorial s'effondre littéralement au début des années 90 avec la disparition des collections historiques. Mais tel le phénix, des cendres vont émerger de nouveaux auteurs et autrices, de nouvelles maisons d'édition, de nouveaux festivals et de nouvelles revues. Pour pas à pas, jusqu'au début des années 2000, structurer le début de la science-fiction française telle que nous le connaissons aujourd'hui, et de ce milieu émerge une science-fiction plus diverse, plus consciente et plus politique. Histoire de la science-fiction, le futur commence aujourd'hui. C'est le programme conclusif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour conclure donc cette histoire qui n'a que la conclusion, le mot du début, puisqu'elle s'étire sur plus d'un siècle et demi et continue jusque dans le futur, nos archivistes contemporains sont aujourd'hui Serge Lehmann, bonjour. Bonjour Nicolas. Écrivain, scénariste, critique et anthologiste Mireille Rivalan, bonjour. Bonjour. Directrice littéraire des éditions La Talente, et nous sommes en ligne avec Xavier Dolot, bonjour. Bonjour Nicolas. Libraire, auteur, éditeur pour les éditions Argile et co-auteur de la bande dessinée Histoire de la science-fiction avec Djibril Morissette, fan aux éditions Les Humanoïdes Associés. Mais on commence par notre scribe de l'actualité scientifique et c'est cette semaine Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude française parue dans la revue Trends in Cognitive Sciences qui montre que certains biais cognitifs contamineraient même nos mécanismes mentaux les plus simples. Oui, les chercheurs étudient depuis de nombreuses années les biais cognitifs d'optimisme et de confirmation ainsi que leur influence sur nos prises de décision. Jusqu'à cette étude, on pensait qu'ils étaient liés à des processus cognitifs de haut niveau, c'est-à-dire liés à des raisonnements complexes. Or, ce que montrent ces travaux, c'est que ces biais d'optimisme et de confirmation sont en réalité un processus cognitif élémentaire partagé par de nombreuses espèces animales et pas seulement l'espèce humaine. L'étude suggère donc, entre autres, que ces biais partagés affectant nos mécanismes mentaux les plus simples pourraient avoir émergé bien avant l'apparition d'Homo sapiens. Stefano Palminteri est chercheur INSERM au laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles de l'ENS, PSL et de l'INSERM. Il est l'un des auteurs de cette étude. Nous avons étudié des tests très simples, c'est des tâches d'apprentissage par renforcement. Elles sont très simples, on va revenir au point qui en fait peuvent être faits pas seulement par les êtres humains, mais aussi par d'autres animaux, par d'autres espèces. Ça consiste tout simplement à essayer de choisir des options qui nous font gagner plus ou moins des récompenses. Donc dans les cas de nos sujets expérimentaux, ce sera gagner de l'argent ou gagner des points. Il faut imaginer que les sujets, il est présenté devant un test, il doit choisir entre deux options, A, B, il choisit A et il obtient une récompense, donc ça c'est un événement qui est confirmatoire, alors il va beaucoup modifier ses croyances, il va dire, eh ben voilà, c'est génial, A, ça donne un très bon résultat, je vais répéter ses choix. À l'inverse, s'il avait choisi A, mais cette fois A donne un résultat négatif, ben le sujet, il va pas beaucoup en tenir compte, il va faire comme si rien s'était passé. Il va un petit peu négliger, si vous voulez, l'information disconfirmatoire. Donc nous, nous avons fait ça effectivement chez l'homme avec ce dispositif expérimental et nous avons répliqué ces résultats dans beaucoup d'expériences. Ce qu'on montre aussi dans cet article, c'est très intéressant, c'est que ces résultats, on les retrouve aussi, pas seulement chez l'homme, mais aussi par exemple chez des rongeurs, comme des rats et des souris, mais aussi des singes. Donc ça montre aussi que ce biais, il n'est pas spécifique de l'humain, mais il est très répandu dans l'arbre de la vie, dans différentes espèces de mammifères au moins. Il faut se poser la question, mais pourquoi on a ces biais cognitifs? Donc pourquoi finalement l'évolution ne nous a pas sélectionné pour être plus rationnel? Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que d'autres études théoriques montrent qu'il peut y avoir des bénéfices à exprimer ces biais de confirmation. Des fois, en fait, dans la vraie vie, il y a souvent des bénéfices à être au moins un petit peu surconfiant, par exemple, à croire d'être un peu meilleur de ce qu'on est en réalité. Ça, c'est une recherche qui est très importante parce que c'est de nous faire comprendre pourquoi, en fait, finalement, il peut y avoir des côtés positifs au biais. Et par exemple, une autre étape qu'on va parcourir grâce à ces résultats, c'est de comprendre si on met certains de ces biais d'apprentissage, par exemple, dans des algorithmes d'intelligence artificielle, est-ce qu'ils ne pourront pas prendre des décisions de façon plus efficace que les algorithmes courants. Une autre piste de recherche qui est aussi activement exploré dans mon laboratoire et dans nos laboratoires, c'est comment est-ce que ces processus ils sont perturbés, par exemple, dans une pathologie psychiatrique ou neurologique. Et vous pouvez retrouver cette étude comme chaque jour sur notre fil Twitter @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on continue avec l'actualité de la semaine des sciences. Antoine est en ultra bref. Cette semaine, la NASA a annoncé qu'elle confierait la fabrication de ses combinaisons spatiales pour la future mission lunaire Artemis aux entreprises Axiom Space et Collins Aerospace. Montant de la commande 3,5 milliards de dollars, l'agence spatiale américaine se sort d'une mauvaise passe puisqu'elle ne parvenait pas à mettre au point de nouveaux scaphandres. La conception des combinaisons actuellement utilisées remonte à 1983. Une simulation proposée par des chercheurs de l'université de Potsdam en Allemagne révèle que la toundra pourrait disparaître dans le prochain millénaire. Dans un contexte de hausse globale des températures, l'ensemble de cet écosystème est déjà fortement affecté. Selon les chercheurs, seule une politique climatique extrêmement ambitieuse pourrait enrayer ce phénomène. Et enfin, en ce moment même, le record du plus grand blob du monde est peut-être en train d'être battu au lycée Blaise Pascal de Châteauroux. Initié par Audrey Dussutour, piloté par le CNES et le CNRS, le projet Élève ton blob touche donc à son terme. Si le record est battu, ce blob ne sera ni plus ni moins que la plus grande cellule au monde. Le blob étant unicellulaire, on devrait avoir le résultat d'un instant à l'autre. Et en attendant d'être dévoré par cette cellule unicellulaire comme dans le film de 1986, on va passer à la dernière étape de notre histoire de la science-fiction. Ce sera juste après le journal de la SF. Et on commence avec le James Webb Space Telescope qui va bientôt permettre l'observation en détail d'une mystérieuse super-Terre. Elle s'appelle 55 Cancri E. Elle tourne autour de l'étoile 55 Cancri, située à seulement 44 années-lumière de la Terre dans la Voie lactée. Observée pour la première fois en 2004, cette planète rocheuse est la plus proche connue à ce jour de son étoile, 60 fois plus proche que la Terre du Soleil. Si on connaît parmi les exoplanètes un bon nombre de supergéantes gazeuses ou super-Jupiter, on connaît en revanche peu de super-Terres du type de 55 Cancri E et plusieurs questions d'envergure persistent autour de ce type d'exoplanètes. Parmi les équipes de recherche qui se penchent sur le cas de 55 Cancri E, une équipe de l'Institut Max Planck d'astronomie va l'observer grâce au James Webb Space Telescope pour tenter de percer ces mystères et pourquoi pas apporter des réponses aux questions que l'on se pose encore sur notre planète, comme par exemple les conditions de sa formation. Isabelle Boisse est astronome au laboratoire d'astrophysique de Marseille. On a pu déterminer sa masse et sa taille. Donc on connaît sa densité. On sait que c'est une planète hyper dense, sûrement faite de fer, de nickel. Il y a eu des propositions comme si elle était faite de graphite ou de diamant. On s'est aussi beaucoup posé de questions sur ce qu'il y avait à sa surface, s'il pouvait y avoir de l'eau dans un état supercritique. En fait, comme elle tourne très proche de son étoile, en moins d'une journée, il fait plus de 2000 degrés sur cette planète, dans la zone face à l'étoile. Donc c'est bien au-delà du point de fusion des roches. Donc on imagine beaucoup de lave. Et comme la planète est aussi très proche de l'étoile, elle doit être soumise à des forces de gravité qui la déforment. Donc on imagine pas mal de volcans. On n'a pas tant de planètes de type super-Terre qui soient en transit pour lesquelles on puisse caractériser leur atmosphère. On a un grand nombre déjà de Jupiter chaud, donc de grosses planètes qu'on a pu commencer à étudier. Là, on en a peu et donc on a beaucoup de questions. On se pose vraiment beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est ces super-Terres, comment est-ce qu'on peut les relier aux planètes rocheuses de notre système solaire. Par exemple, 55 Cancri E est plus chaude, donc est-ce qu'on peut imaginez y voir la Terre, par exemple, à l'époque de sa formation, où elle était plus chaude aussi. Est-ce que ça peut nous donner des informations là-dessus? Donc, c'est vrai que ces études de petites planètes en comparaison aux planètes géantes excitent l'attention des chercheurs parce que on a encore pu faire très peu d'observations jusqu'ici. Donc, le JWST, il a plusieurs instruments. Il a des instruments qui permettent de faire des images et d'autres qui permettent de faire le spectre, ce qui permet aussi de caractériser les éléments chimiques dans la lumière que l'on observe. Alors, l'intérêt du JWST, c'est que déjà, on va dans l'espace, donc on s'affranchit des problèmes qui sont liés à l'atmosphère. Et donc, par rapport aux autres télescopes spatiaux qui ont été lancés jusqu'ici, il a un miroir beaucoup plus grand. Et en ayant un miroir beaucoup plus grand, ça permet non seulement d'avoir plus de lumière, mais aussi d'avoir des détails plus fins. Donc si on fait des images, on va y voir de façon beaucoup plus détaillée. En bref, selon une étude parue dans l'International Journal of Astrobiology, des extraterrestres pourraient utiliser des exoplanètes flottantes pour leur voyage interstellaire. Oui, et pourquoi pas utiliser des planètes flottantes non reliées gravitationnellement à une étoile comme moyen de transport. Ces planètes errantes suscitent un intérêt grandissant puisqu'elles peuvent posséder un océan liquide sous une atmosphère épaisse ou une couche de glace, et donc, pourquoi pas, abriter des formes de vie simples. Dans cet article, la chercheuse Irina Romanovskaya explique que les civilisations extraterrestres pourraient utiliser ces planètes errantes comme moyen de transport interstellaire et s'y développer. En conclusion, elle recommande que la recherche de tels voyageurs de l'espace fasse partie de notre recherche de vie intelligente dans l'univers. Du côté de l'édition de science-fiction et de l'imaginaire, la période est assez compliquée, Antoine. Oui, c'est ce que rapporte un billet de Gilles Dumay, directeur de la collection Albin Michel Imaginaire, sur le site de la maison d'édition. Selon lui, je cite, « Janvier a été catastrophique, un volume de retour jamais vu jusque-là, février pas bon, pareil pour mars et avril, et donc mai vraiment pas bon. » Mais même les auteurs qui vendent habituellement beaucoup de livres enregistrent des baisses de vente de 30 à 40%. Le moral semble en berne pour toute la filière du livre, par ailleurs, l'augmentation du prix du livre liée à l'inflation ne devrait pas arranger les choses. Voilà, et on en dira un mot dans la fin de cette émission aujourd'hui. Et pour conclure, peut-être, ah non, juste une petite annonce quand même. La semaine prochaine, le ciné-club Hurlequin, dont j'ai le plaisir d'assurer la programmation, sera le numéro 2 au cinéma L'Hurlequin à Paris. Et nous aurons le plaisir de diffuser le masterpiece, le chef-d'œuvre de William Lustig, Maniac 1980, en compagnie du réalisateur Fabrice Duvels. Les inscriptions sont ouvertes et nous serons ravis que vous soyez nombreux à venir. Et pour conclure, Antoine, comme chaque vendredi, par la rubrique de Science Improbable, on sait enfin, grâce à une étude parue dans Science Advances, pourquoi les souris mâles ont peur des bananes. Oui, c'est une affaire d'odorat. Cette étude montre que les souris mâles produisent des hormones de stress à proximité des femelles gestantes ou allaitantes. La raison de ce stress se trouve dans l'urine des femelles qui contient un composé baptisé acétate de N-pentyl. Ce messager chimique permet aux souris femelles de protéger leurs petits de l'agressivité fréquente des mâles vierges à l'égard des sourisseaux. Les chercheurs se sont demandé si une autre source d'acétate N-pentyl pourrait avoir les mêmes effets. Or, on sait que la banane produit ce même composé. Résultat, les mâles exposés à des boules de coton imbibées d'huile de banane ont vu leur niveau de stress considérablement augmenter. L'étude ne nous dit pas en revanche si installer des bananes dans des endroits stratégiques de votre maison pourrait éviter la visite de ces merveilleux petits rongeurs. Et donc éviter de manger des bananes avant de dormir, Antoine. J'aime pas les bananes. Ça tombe bien. Merci beaucoup, Antoine. Et on retrouvera Natacha Triou pour le prochain Journal des Sciences lundi prochain. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et après la naissance donc de la fiction spéculative scientifique à la fin du 19e siècle jusqu'à l'apparition de la terminologie et du genre science-fiction au milieu du 20e, après la création de collections spécialisées après-guerre et un deuxième âge d'or dans les années 60-70, nous voici donc arrivés à la porte des années 80. Un moment où la science-fiction française s'apprête à traverser un nouveau trou d'air avant de reprendre son envol et de voir émerger une nouvelle génération d'autrices et d'auteurs. Si on repart donc de la fin des années 70, où nous nous étions arrêtés lors de notre dernier épisode, au début des années 80, la SF française se porte encore relativement bien, et les grandes collections qui ont porté la nouvelle vague d'auteurs et d'autrices est encore solide. Il reste Anticipation, Présence du futur, Ailleurs et demain, J'ai lu et tout un tas de collections qui se sont multipliées sans forcément rencontrer leur public. Sans oublier Métal hurlant qui apparaît au milieu des années 70, qui est un fer de lance de la culture cyberpunk et qui va d'ailleurs essaimer, nous y avions consacré une émission entière outre-Atlantique, et la revue Fiction qui tient toujours la barre. Serge Lehmann, on arrive donc au début des années 80 avec une science-fiction française relativement foisonnante, et puis qu'est-ce qui va se passer dans les années 80? On a quand même quelques auteurs, quelques autrices, plutôt des auteurs encore à l'époque, relativement phares, mais le trou d'air commence à arriver. Pourquoi? Alors c'est marrant parce que Jacques Sadoul, qui était à la fois le directeur des éditions J'ai lu et l'auteur de l'histoire de la science-fiction la plus grand public, celle qui faisait référence et à laquelle on s'est tous nourris, rééditait son livre en 1984, et en prophétisant la crise à venir pour des raisons relativement simples éditoriales, parce qu'il disait, il y a trop de collections, il y a trop de livres, il n'y a pas assez de public. Donc à un moment ou à un autre, tout le monde va commencer à plier les voiles et on verra bien ce qui reste à la fin. Et c'est ce qui s'est passé à peu près au milieu des années 80. Jusqu'en 84-85, ça va à peu près bien, en tout cas l'illusion se maintient. Et on a un repère qui est assez facile à trouver, enfin en tout cas à invoquer. La grande librairie de science-fiction parisienne qui était Temps Futur à l'époque publiait chaque année un volume qui s'appelait L'année de la science-fiction. Et ça s'arrête en 84. C'était un énorme volume qui recensait toutes les parutions de l'année, qui publiait quelques nouvelles inédites, des interviews d'auteurs de tout pays. Et cette grosse anthologie annuelle s'arrête en 1984. Et on voit commencer les collections créées au cours des 10 années précédentes, chez Kalman Levy, entre autres, mais il y en a beaucoup d'autres, qui commencent effectivement à péricliter. Le grand centre éditorial que représentaient les éditions Opta, centré autour de la revue Fiction et Galaxy, mais ils avaient 4 ou 5 collections, dont le Club du Livre d'Anticipation, Galaxy Bis, des choses comme ça. Tout ça commence à péricliter, et on peut dire qu'à la fin des années 80, en gros, il reste Présence du Futur, Le Fleuve Noir, Ailleurs et Demain, et J'ai lu. Mais Ailleurs et Demain, et J'ai lu, et Présence du Futur font en gros savoir au milieu des auteurs de l'époque que c'est fini, c'est plus la peine d'envoyer des manuscrits, on va se concentrer sur les auteurs anglais et américains. Ouais. Et la revue Fiction s'arrête en 90. Ouais. Donc il y a une espèce d'extinction comme ça, qui a été pour nous qui sommes arrivés à ce moment-là, assez pénible à vivre. En plus, Métal Hurlant s'arrête aussi à ce moment-là, à peu près en 86-87. Donc nous, on est arrivés en ayant grandi dans cette culture et avec ces instruments éditoriaux en ligne de mire, en se disant être un écrivain, c'est être publié là, et commencer par des nouvelles dans Fiction. Et en fait, tous ces instruments se sont éteints d'eux-mêmes à la fin des années 80. Donc il a fallu, effectivement, c'est trou d'air est le bon mot, mais trou d'air d'une bonne dizaine d'années en fait, de 85 à 95 à peu près. Alors on va arriver à 95, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre effectivement comment ce trou d'air s'est créé, parce que donc il y a toute une génération d'auteurs, il y a une sorte vraiment d'emphase, de goût et un certain modèle éditorial aussi, Myriam Vellens. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle à l'époque le roman de gare, c'est-à-dire des éditions de poche, pas réédité, rapidement publié, vite mis au pilon. Donc en fait, une littérature de consommation qui finit par s'épuiser, peu ou prou. Eh bien, en fait, oui, la Talente d'ailleurs est une réponse absolument pas agressive du tout, mais elle est même plutôt naïve, hein, cette réponse à cette situation. Il se trouve que la librairie La Talente existe depuis 10 ans, donc Pierre Michaud a eu le temps de voir... Créé en 1979. Voilà, en 89, donc commence réellement l'édition. Et donc depuis 10 ans, Pierre Michaud a eu le temps de voir effectivement toutes ces collections exister, toucher aussi à leur boursouflure et à leur épuisement. Et lui, son modèle, c'est Opta. Je pense. Enfin, c'est Minuit. Alors, mais c'est Opta. Rappelez-nous, parce que tout le monde n'a pas forcément écouté les épisodes précédents. Effectivement, qui est Opta, qui est, enfin. Alors, de quoi on parle? Opta, c'est un éditeur que Serge a évoqué, ça a toujours été des gens qui faisaient un travail à la fois extrêmement artisanal, étaient libraires eux-mêmes, et qui, en fait, allaient chercher des romans. Ils ont créé quelques collections, mais ils n'avaient pas cette vocation qu'ont eu les grandes collections. À un moment, il faut nourrir la bête. Et effectivement, un petit éditeur se tâche de se prémunir de cela. Et c'était le modèle que Pierre Michaud avait, de se dire, mais il y a une place pour du grand format, parce qu'il y a de l'épuisement sur cette pseudo-culture de masse. Parce que qui dit culture populaire ne dit pas forcément culture de masse. Enfin, voilà. Et lui, il était partant de donner ses lettres de noblesse en les habillant et en les choisissant avec élégance à cette culture populaire. C'est-à-dire, Xavier Delot, on pourrait dire que face à l'abondance, à un moment donné, il y a un retour de la sélection et de se dire que, eh bien, cette espèce de tout venant et de cette littérature de science-fiction que je vais nommer avec tous les guillemets qu'il faut de gare, c'est-à-dire de littérature jetable, finalement, ne trouve plus son public, elle s'épuise et elle devient finalement plus rentable et moins intéressante parce que tout a été trop publié dans tous les sens. Je sais pas, en fait, parce que bon, malgré tout, je pense que les collections populaires continuent de plutôt bien marcher. Au début des années 80, le Fleuve Noir, on a encore des tirages à 30 000 exemplaires, donc c'est pas rien. Maintenant, je pense qu'on aurait serait heureux, pareil. On serait très heureux. Et puis même au début des années 80, il y a quand même un certain optimisme de la part des éditeurs, hein, que ce soit Gérard Klein ou Jacques Guamard. Jacques Guamard disait qu'il était, il voyait beaucoup d'auteurs français, notamment émerger, et que même, bah, finalement, les auteurs français devenaient majoritaires dans les publications de science-fiction, tandis que Gérard Klein, lui, eh bien en fait, bah, il plaçait beaucoup d'espoir, bah, dans le domaine, parce que justement, bon, enfin, il s'inquiétait de la massification, j'allais dire, de la science-fiction, mais il voyait aussi, par exemple, dans les libraires spécialisés, eh bien peut-être le moyen de parvenir justement à cette démassification et qui en fait ben aiderait le genre à sortir de ces stéréotypes qui étaient bien ancrés et qui sont parfois encore bien ancrés d'ailleurs dans la tête des gens qui n'en lisent pas, hein, ou même qui n'en regardent pas au cinéma. Voilà, donc ensuite bah effectivement c'est un effondrement qui arrive quand même, parce que on part de 40 collections enfin à peu près je pense au début des années 80, et puis comme disait Serge, où on se retrouve avec eh bien plus que 4 éditeurs ou presque qui publient de la science-fiction. Et moi en fait je suis plutôt de cette génération de lecteurs en fait qui a connu au départ ces 4 collections et qui a fait avec, donc Parce que alors on ne peut pas séparer le milieu de l'édition et de la littérature de science-fiction du reste du contexte, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans les années 80. Il y a déjà le cinéma et la télévision, et le cinéma qui commence donc avec avec Star Wars à faire de la science-fiction d'un seul coup un objet de culture de pop, massification, de culture pop, qui est finalement très éloigné de ce que travaille la science-fiction très politique, dont on peut, enfin, de Spinrad, enfin, de cette science-fiction de la fin des années 70. C'est-à-dire que la science-fiction devient du pur spectacle. Il y a plusieurs choses, en fait. Oui. Il faut distinguer plusieurs choses. La première, c'est juste pour réagir à ce que disait Xavier sur Jacques Guamard. C'est amusant s'il a effectivement fait ce commentaire, parce qu'il a jamais publié un seul auteur français, lui. Enfin, à part Pierre Pelot, peut-être, et des rééditions. Mais Jacques, il considérait que découvrir des auteurs, c'était le travail du Fleuve Noir, et que lui, à Pocket, il ne publiait que des classiques et des valeurs sûres, donc essentiellement des Américains et des Anglais. Donc, c'est vrai que les éditeurs français ont souvent eu un discours un peu schizo sur ce truc-là. Sur l'aspect éditorial pur, il faut distinguer aussi les collections grand format, comme celle de Gérard Klein, Ailleurs et Demain, qui est à la fois une collection expérimentale de découverte et aussi une collection patrimoniale, qui a vocation à rester en fond, en tout cas à l'époque en librairie avait vocation à rester en fond, et les collections... Qui publie beaucoup d'étrangers, d'anglo-saxons. Oui, oui, bien sûr, mais il a... Oui, il était d'une sélectivité absolument terrible, peut-être à juste titre d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il a quand même aussi publié Philippe Curval, André Ruellan, Emmanuel Jouanne... Ce dont on parlait l'émission précédente. Exactement. Donc, tout n'est pas sur le modèle du Fleuve Noir. Le Fleuve Noir, c'est vraiment un cas particulier. C'est pratiquement une revue en livre. Mmh. Tous les mois, on avait 6 romans tirés à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires qui n'étaient jamais réimprimés. Donc, c'était vraiment de la consommation à lire en train. C'est pas la même chose pour J'ai lu ou pour Présence du Futur, qui était aussi en poche et qui publiait des inédits directement en poche, des traductions. Mais qui elle avait une vocation à elle aussi rester en fond. Donc tout n'est pas à mettre sur le même plan. Le deuxième facteur, c'est effectivement mais alors là ça concerne la fin des années 80, c'est le début de la concurrence de la télévision, disons, comme média de consommation culturelle courante. Ça devient de moins en moins naturel d'aller assister à ces 6 fleuves noirs chaque mois quand il y a gratuitement à la télé des dizaines de séries, dont pas mal de séries de science-fiction. Et puis le troisième effet, mais là c'est plus culturel, c'est une certaine disjonction effectivement politique qui s'est introduite dans le milieu des auteurs français. Les années 70 ont été très politiques et ont semi-échoué, disons, à créer une école littéraire. Il y a eu Michel Jeury et des choses très importantes. Bien sûr. Mais ça n'a pas donné une école littéraire réellement. Ça s'est resté des auteurs. Brillants, moins brillants, mais des auteurs. Et la réaction à ça a été, au contraire, dans les années 80, d'insister énormément sur la forme. Donc, on a eu une aventure poétique qui s'est appelée le groupe Limite. Emmanuel Jouanne, Antoine Volodine, donc des noms qui sont très importants, et dont l'horizon était probablement Serge Brussolo, qui était l'auteur, qui avait réussi le miracle, être à la fois très exigeant sur le plan littéraire et écrire des fleuves noirs qui se vendent très bien. Alors, Bruce, alors il y a deux choses qui sont passionnantes. Il y a Limite d'un côté, peut-être un mot Xavier Dolo là-dessus, parce que Limite, c'est effectivement une expérience passionnante, mais qui a une ampleur, ou en tout cas une réception dans le public extrêmement limitée. C'est-à-dire que là, on parle aux gens qui sont déjà en train de chercher de la science-fiction de pointe, etc., qui n'a pas une diffusion relativement large. Et d'un autre côté, on a des auteurs comme Brussolo, qui effectivement sont des grands noms, ou même, je pense à Elisabeth von Harbour, qui publiait, qui commençait à percer dès 1981. Oui, tout à fait. On a souvent mis d'ailleurs sur le dos du groupe Limite et puis même de cette SF des années 70-80 très politisée la chute de la science-fiction française. Mais en fait, Xavier Dolo, je vous interromps, excusez-moi. Juste rappelez-nous exactement ce que c'est le groupe Limite, parce que tout le monde ne connaît pas exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce groupe-là et comment il s'inscrit dans ce panorama de la SF française? C'est un groupe de d'auteurs hein, principalement qui en fait veut casser les codes de la science-fiction traditionnelle, j'allais dire, ou celle de l'âge d'or, hein, en apportant quelque chose de plus formel dans leur façon d'écrire, mais aussi en apportant des thématiques qui ne sont pas forcément celles de celles de l'âge d'or, qui sont peut-être plus proches d'ailleurs de celles de la nouvelle vague cinématographique française des années 60, qu'ont développé Godard, Truffaut, René par exemple, mais aussi la nouvelle vague qui a eu lieu en Angleterre avec des auteurs comme Ballard par exemple, ou Brian Aldiss, et donc qui a envie finalement de non pas être simplement de la science-fiction, mais de s'intégrer à la littérature tout court, voilà. Et donc leur discours il est principalement là, c'est de se faire reconnaître en tant que écrivain qui écrit de la vraie littérature et des vrais livres, en somme, quoi. Voilà. C'est intéressant, ça, parce qu'effectivement, les années 80, Mireille, c'est à la fois... J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que je pense qu'il y a quand même une massification de la science-fiction comme un divertissement, via le cinéma, via la télévision, et une veine de la science-fiction littéraire telle que vient de l'écrire Xavier Dolo. Et encore une fois, je peux penser à Spinrad, parce que c'est peut-être le plus évident, parce que en direct c'est 83 si ma mémoire est bonne, qui veut être politique, et il y a une sorte de disjonction qui fait que le grand public se retrouve complètement dans cette science-fiction populaire télévisuelle de divertissement, et du coup se détache de cette science-fiction un peu anarchiste, un peu gauchiste, un peu agressif finalement, et du coup peut-être perd un peu le fil de son public. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'ailleurs un si grand public que cela pour cette science-fiction engagée de cette époque-là, à savoir engagée politiquement et littérairement. Le grand public, même s'il s'est amoindri, est resté amateur du fleuve. Enfin, il se vendait beaucoup plus de Jimmy Guilleux. Oui. Et qui est bien sûr voilà, c'est des fois un gros mot, mais je veux dire Serge qui a publié dans le fleuve, et moi pour avoir beaucoup connu cette collection à travers Roland Wagner qui avait vécu en tant qu'auteur et en tant que nègre cette collection et que vous avez publié ensuite et que voilà, mais, bon, nous on arrive après hein, bien sûr, mais effectivement le grand public n'a pas vu passer les engagements politiques de l'époque. Ce qui est très étrange, car 30 ans plus tard, l'auteur à succès français, c'est Alain Damasio, oui, qui est un héritier direct de cette veine à la fois politique et formaliste. Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est ça que j'essaye de détricoter en fait avec vous trois. C'est cette espèce de conception de se dire qu'on sort d'une science-fiction extrêmement politique et très engagée, assez anarchiste par ailleurs, dans les années 70 et au début des années 80, dans une époque où on est dans les années 80, où à part la France mitterrandienne, grosso modo, c'est le réganisme et où la société capitaliste explose et c'est le début du vrai néolibéralisme mondial, et où finalement la science-fiction qui excite les foules, c'est Star Wars, c'est la science-fiction très décorative. Non, mais en fait, alors c'est, peut-être qu'il faut pas l'aborder exactement comme ça, parce que là, pour le coup, j'ai des souvenirs très vifs, y compris de conversations interminables avec Roland C. Wagner, avec Pierre Bordage, avec Ayerdal, avec Maurice Dantec, parce que tout le monde s'était, avait plus ou moins pris conscience et commencé à écrire dans la deuxième moitié des années 80, tout au long des années 80, d'abord dans les fanzines et puis ensuite souvent au fleuve. Bon. Et non, le débat n'était pas sur la politique et sur le formalisme, le débat c'était sur le besoin vital de réapprendre le récit. C'était essentiellement la dimension romanesque. Oui, parce qu'on sortait de nouveaux romans aussi en France. Sortait, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait c'est une histoire culturelle, donc elle a des cliquets, elle a des étages, des impasses, tout a servi, tout est en permanence vivant en fait, rien n'est perdu dans cet héritage. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où après la période, disons, jury politique et la période limite formaliste, qui sont des caricatures et des resserrements, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est en gros l'endroit où étaient les débats à ce moment-là. Au bout d'une vingtaine d'années, les auteurs qui n'étaient ni dans une mouvance ni dans l'autre, on s'est retrouvés à une petite dizaine en se disant, en fait, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas raconté des grandes histoires. Et c'est ça qui a été le cœur des années 90, c'est ce désir de revenir au romanesque. Alors, Xavier Delau et Mireille Rivalan, je vais vous poser cette question-là parce que c'est passionnant ce que dit Serge. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive au début des années 80 où, voilà, on sort et on est en plein dans l'histoire du nouveau roman. C'est-à-dire que la littérature générale devient le roman de l'intimité, le roman du moi, le début de ce qu'on appellera plus tard l'autofiction. Et d'un seul coup, la science-fiction, l'imaginaire, est-ce que c'est ce moment-là, finalement, où l'imaginaire devient, finalement, pur divertissement et où il n'y a plus, finalement, de transition, ou en tout cas de conception, de possibilité de faire de l'imaginaire quelque chose qui soit, finalement, une grande pensée ou une grande translation philosophique, métaphysique, intellectuelle de réflexion de la place de l'homme dans l'univers. Xavier Delau, vous en pensez quoi? En fait, moi, je pense que les années 80, alors qui est une décennie un petit peu similaire sur bien des points à celle de 70, a vu quand même quelque chose se développer. C'est le côté audiovisuel et que, enfin, moi, un enfant des années 80, je me suis retrouvé évidemment devant ma télé énormément à regarder des émissions comme le Club Dorothée où on nous passait des tonnes de science-fiction par le dessin animé, mais aussi parfois par des feuilletons. Et donc, c'est vrai que là, à la télé, ça s'est développé, mais aussi au cinéma, on a eu plein de films qui ont apparu, qui étaient du pur mass market, venus des États-Unis, mais qui en fait renouvelaient aussi énormément l'approche du cinéma de science-fiction, parce que arrivent aussi les premiers effets spéciaux, enfin qui en tout cas sont extrêmement crédibles. Donc, dans l'esprit des gens, il me semble aussi que eh bien cette science-fiction populaire prend nettement le dessus sur cette science-fiction qui est une science-fiction littéraire, celle effectivement dont on parlait tout à l'heure, du groupe Limite ou même de la nouvelle vague anglaise, peu importe, ben il y a une frange de cette science-fiction qui prend le dessus, qui est peut-être la plus visuelle de toutes. Donc forcément, je pense que la science-fiction littéraire en pâtit quelque part à un moment donné. Alors, un paradoxe, me semble-t-il aussi, Mireille Vallon, c'est que ces années 80, c'est les années qui voient l'émergence du polar et qui commence à assumer le polar comme un genre littéraire à part entière et qui sort précisément ce que la science-fiction n'arrive pas totalement à faire du type de roman de guerre. Comment est-ce que vous expliquez, par exemple, que le polar sorte précisément et retrouve une certaine forme de ses armes, ou en tout cas vraiment ses lettres de noblesse avec Manchette et toute cette école-là, alors que la SF a du mal à le faire? Manchette qui aurait dit tout ce qui est culturel et charogne, ce qui veut dire que la reconnaissance pouvait avoir son retour de bâton. Moi je pense réellement à suivre la pensée de Xavier Delau, que ce qui se crée pendant les années 80, c'est un nouveau lectorat. Ouais. C'est-à-dire que ce que Serge explique et ce que vivent les auteurs est une réalité, que les maisons d'édition soient en train de rebattre des cartes pour des raisons financières, pas pour des raisons de littérature. Mais par contre, donc ça crée cet épuisement. Par contre, par le biais de cette culture audiovisuelle, et quelle que soit la valeur qu'on y mette, il y a pas de jugement de valeur à porter là où les gens se nourrissent. Il se trouve qu'effectivement, on crée le lectorat des années 90, des années à venir. Et c'est le lectorat va permettre que les nouvelles expériences d'édition qui démarrent dans les années 90 parce que d'autres modèles s'effondrent, eh bien là, il va y avoir un lectorat sans doute pas du tout le même, pas aussi massif, mais il y a un lectorat qui est en train de se former à la science-fiction. Ouais. Alors, justement, Serge Lehmann, avançons un peu dans le temps. Le système s'effondre fin 90. Fin 80. Dans le courant des années 80, c'est la fin de Galaxy, c'est la fin de fiction, c'est la fin des grandes revues, hein, qui ne vont pas renaître avant Bifrost, donc 15 ans après. Les seules choses qui restent, grosso modo, c'est Fleuve Noir, Anticipation. Pour démarrer, en tout cas. Pour démarrer. Jeune auteur, oui. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que vous arrivez dans cet univers-là, en tant que jeune auteur de science-fiction, et en fait, vous n'avez plus de porte d'entrée. À part celle-là. À part le grand format. Le grand format pour beaucoup de. Oui, on était. Il n'y a plus de recueil de nouvelles, il n'y a plus de fanzines. Voilà, il n'y a plus d'anthologie annuelle, par exemple. Voilà. Tous les points qui permettaient à un jeune auteur de devenir visible avec une nouvelle bien placée dans une anto ou une revue, tout ça disparaît. Et donc, en fait, il nous restait spontanément deux supports accessibles, le Fleuve Noir. Et parce qu'il fallait toujours trouver des auteurs pour faire ces 6 romans par mois, ils en étaient encore là. Et les fanzines, qui sont devenues d'une importance considérable pendant 5 ans, jusqu'à la création des nouvelles revues, c'est-à-dire Bifrost et puis Cyber Dreams, pas dans l'ordre d'ailleurs, Cyber Dreams en premier. Je reviens juste un instant sur une des choses qui ont été dites, en particulier par Xavier. C'est peut-être une erreur d'opposer culture populaire et, disons, propos incisifs sur le plan politique ou expérience formelle, parce que s'il y a bien une chose qui a marqué les esprits au début des années 90, c'est les nouvelles solutions trouvées par les auteurs anglo-saxons, pas seulement américains, mais aussi anglais et australiens, pour donner à des choses ayant un contenu cognitif très puissant l'allure d'une fiction hyper agréable à consommer. Par exemple, Hyperion, voilà, Dan Simmons. Par exemple, le cycle de la culture, Ian Banks. Oui. Par exemple, les nouvelles de Craig Egan. Oui. Bon. Ou d'un seul coup, et c'est un autre aspect, il n'y a pas que le romanesque aussi, il y a la science qui fait un grand retour, la physique en particulier. Oui. Donc, s'il y a bien une œuvre qui est politique et qui annonce le 21e siècle, c'est celle de Craig Egan, par exemple. Hein, sur les... Donc, moi, je crois au contraire que c'est la fin de la disjonction entre littérature élitaire et littérature populaire. Ce qu'on a tous trouvé et essayé de faire dans les années 90, c'est réconcilier les deux. Et il me semble qu'avec des auteurs comme Pierre Bordage, comme Ayerdal, comme Dantec, on y est arrivé quand même. Et alors, on y arrive dans les années 90, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce creux, ce trou, là, ça n'est pas justement l'explosion de ces grands auteurs américains qui donnent qui tournent la page de la littérature de science-fiction des années 70 et qui recréent finalement cette nouvelle génération que sont Dan Simmons, Ian Banks, Greg Egan, qui d'un seul coup occupe un espace que la littérature et que la science-fiction française ne s'est plus occupée, c'est-à-dire un espace finalement très très projectif, très métaphysique, extrêmement complexe, et que la littérature de science-fiction française avait un peu abandonné finalement pour se cantonner à suivre un peu des fils qui étaient un peu épuisés. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Vellant? Ah, mais il est clair que dans les années 90, quand un auteur, des auteurs comme Ayerdal et Pierre Bordage se révèlent, c'est-à-dire qu'ils écrivent des romans, et pour Pierre Bordage, quasiment, on pourrait parler d'un roman fleuve avec Les Guerriers du Silence qu'il a eu tant de mal à caser. Qui a été édité aux éditions, que vous avez édité. Oui, que Jacques Guamard a refusé. Hein. Je tacle à mon tour un homme que j'ai adoré. Qu'on a beaucoup aimé. Voilà. Et donc, parce que c'était trop gros et que, voilà, c'était trop gros. Voilà. Après, il a refusé Pratchett parce que c'était pas bien l'humour pour les Français. Enfin, c'est donc ces codes américains qu'il. 96, Les Guerriers du Silence? 93. 93, pardon. 93. Et effectivement, Pierre Bordage. Alors, qui ne vient pas du tout. Lui, il n'a pas réfléchi à tout ce dont il vient d'être question. Il arrive très naïvement dans le milieu. Par contre, pas naïvement en littérature, mais naïvement dans le milieu. Et effectivement, lui, il est nourri au grand mythe fondateur. Il est lecteur de science-fiction, cinéphile et de grandes sagas. Et voilà. Et il écrit la littérature qu'il Je dirais que j'appellerais ça le romanesque dans tous ses états, pour faire une sorte de slogan, mais c'est exactement ça. Il veut raconter des histoires, il veut sans doute emmener aussi des gens dans un imaginaire sans limite et sans se poser la question non plus d'une éthique particulière. Hein, Pierre Bordage raconte, est raconteur, il est conteur et il va puiser et il finalement il réhabilite tout ce que les mythes, et il continue d'ailleurs à le faire, c'est son propos, c'est d'aller renouveler en permanence, créer de nouvelles mythologies. Alors justement, Mireille Vallant, un mot, parce que donc on arrive au milieu des années 90, on est donc dans le creux de la vague. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, la Talente, d'un seul coup, Librairie Nantaise, à décider de dire maintenant on passe à l'édition? C'est-à-dire que maintenant il y a une place à prendre, il faut redensifier ce milieu de la science-fiction française. Qu'est-ce qui vous enjoint de vous dire, ben voilà, on change de statut et on y va? Alors à ce moment-là, il n'y a pas du tout d'idée qu'on pourrait qualifier de militante, ni de vouloir prouver quoi que ce soit. Il y a forcément tout un jeu d'opportunités qui sont le fait que les 10 ans de librairie que Pierre Michaud a vécu lui ont donné envie de refaire des choses de la production et il aime fabriquer des livres. Mais il y a surtout que il y a le désir, par contre, quand même, de faire que la science-fiction soit habillée autrement, touche un public. Avec peut-être changer aussi tout ce qui est visuel dans la science-fiction, parce qu'une fois qu'on a parlé de tous ces films qui arrivent, et donc il change aussi je pense qu'il se passe dans la tête des gens, dans les envies de visualisation. Enfin, c'était hyper ringard à nos yeux maintenant. Tout ce qui était couverture de ces livres de poche, essentiellement. Gérard Klein ayant bien sûr brillamment tiré son épingle du jeu en choisissant le monochrome et puis la brillance. Mais effectivement, finalement, nous, on va chercher du côté peut-être de plus finalement de la BD qui a commencé à remplir avec noblesse. Elle a commencé à trouver sa noblesse. Hein, et qui correspond quand même à quelque chose de dessiné, qui n'est pas... parce qu'on a longtemps jugé le lecteur de SF comme un immature visuel absolu. Et puisque, voilà, c'était on reportait encore plus sur l'image l'immaturité qu'on estimait de sa lecture. Hein. Et donc il y a tout un pas, et ça, c'est juste de l'envie. Hein, ce n'est pas une question de politique éditoriale. Enfin, mais vous voyez, c'est une question de goût. Tout d'un coup, on a envie de ça pour ces livres-là. Vous voyez, je pense que c'est... Et on n'est pas les seuls, mais en science-fiction quasiment. On n'est pas les seuls en tant qu'éditeur. Il ne faut pas oublier que c'est le moment où le computer individuel permet à des tas d'éditeurs de se créer, des tas de maisons d'édition de se créer, parce qu'on peut faire soi-même ses mises en page. Mmh. Ça a changé. L'outil change toujours aussi la nature de la création. Xavier Dolo, un mot sur tout ça. On arrive donc au milieu des années 90, et là, d'un seul coup, de ce trou d'air naît la profusion, puisque il y a la Talente, 96 naissent le Bélial, Mnemos, 99 l'une d'encre qui fait renaître De Noël, Le Diable Vauvert et Brajlon, plus Folio SF en 2000, en 4-5 ans, d'un seul coup, c'est le retour de la profusion et d'une multiplication de maisons d'édition, mais qui vont chacune, à l'inverse des maisons d'édition précédentes qui étaient un peu à se tirer de la bourre, trouver vraiment leur propre secteur d'édition et avancer un peu chacune dans leur propre tranchée. Oui, c'est vrai. En tout cas, la première moitié des années 90, moi, je l'ai vécu effectivement en tant que lecteur, où je ne trouvais pas grand-chose et j'avais un fort besoin de trouver de la science-fiction. Et je me suis tourné vers notamment le Minitel, où il y avait un fandom extrêmement important, exactement. Mais aussi vers les fanzines. Hein. Moi, j'étais abonné à beaucoup de fanzines qui ont remplacé effectivement les revues disparues. Et je pense à des fanzines comme La Geste, Dragon et Micro. Chips, Octa, enfin il y en avait Yellow plein. Submarine. Yellow Submarine, ouais, bien sûr. La nef hallucinée de Gilles Dumay. Mais c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai connu des auteurs comme Gilles Dumay. Et moi, il me semble que la profusion à venir, entre guillemets, à ce moment-là, est venue de cet espace de liberté, finalement, que sont devenus les fanzines. Oui, c'est vrai. Et c'est un espace de refuge aussi pour les auteurs et autrices qui vont essayer de trouver des débouchés. Et donc, c'est comme dans des courriers des lecteurs de Amazing Stories, hein, où les gens échangeaient et montaient des projets ensemble, hein, y compris de célèbres personnes qui sont devenues des auteurs de comics comme ça, mais qui ont échangé, qui ont monté des projets ensemble, et donc des petites maisons d'édition, puis des plus grandes. Et Gilles Dumay, par exemple, a commencé comme ça. Moi, je l'ai lu d'abord dans les fanzines où je lisais ses nouvelles. Il était de toute façon dans tous les fanzines, on lisait une nouvelle de Gilles Dumay. Gilles Dumay qui a monté donc une encre chez De Noël, qui prenait la succession de la collection collection historique présente du futur. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, bah, qui a créé plusieurs fanzines, même de poésie d'ailleurs, mais aussi, bah, effectivement, des anthologies et des comme Destination Crépuscule, Crépuscule par exemple, qui ont donné leur chance à de nombreux auteurs et autrices de pouvoir relancer un petit peu cette machine qu'on sentait frémir et vouloir redémarrer en fait. Et puis moi, l'apogée, à mon sens, après de tout ça, eh bien, on a la personne qui est la mieux placé ici pour en parler, puisque c'est Serge Lehmann avec la parution en 98 d'Escale sur l'horizon, qui, pour la petite anecdote, est le premier grand format neuf que j'ai acheté. C'était donc toi. Serge Lehmann, non, Escale sur l'horizon en 98, Jeunesse d'Ayardal en 96, j'ai lu, c'est le retour des grandes anthologies qui publient à nouveau, et donc c'est la réouverture du marché de l'édition pour de jeunes auteurs et pour, en fait, une génération, Gilles Dumay qui publie en tant que Thomas Day, et puis bon, encore une fois Ayerdal, et on arrive vraiment vers la réémergence et maintenant je peux commencer à m'inclure puisque c'est le moment moi qui suis 76 qui ai commencé à fréquenter et à lire vos textes, c'est le moment où d'un seul coup on lit une nouvelle génération d'autrices et d'auteurs français qui construisent quelque chose de singulier, c'est-à-dire que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'invasion finalement d'un imaginaire américain hollywoodien qui a finalement un peu abrasé la notion de science-fiction, on retrouve et à la fois de l'imaginaire et à la fois de la politique et en fait un projet littéraire quoi. Oui, enfin, alors là, pour le coup, on l'a vraiment vécu. Effectivement, les années 90-95 ont servi de gésine, en fait, dans les fanzines. Tous les gens qu'on voit percer plus tard sont dans les fanzines à ce moment-là. À part Pierre Bordage, qui a une trajectoire un peu singulière. Qui a été publié immédiatement, peu par hasard. Grand format, et qui n'a pas fait l'expérience d'abord de la nouvelle. Non, c'est ça. Mais sinon, effectivement, on était un groupe. Il y avait des illustrateurs, il y avait des critiques, il y avait des futurs éditeurs. Yellow Submarine, dont on parlait tout à l'heure, c'est un fanzine créé par André François 15 ans plus tard, il créera Les Moutons Électriques, donc qui est devenu une très belle maison d'édition. Donc tout s'est passé à ce moment-là. En 96, Ayerdal a percé chez J'ai lu, et du coup Jacques Sadoul lui a donné l'autorisation en fait de faire une anthologie de nouvelles inédites qui s'appelait Genèse et qui a eu un certain succès. Et comme moi j'étais l'auteur qui perçait au fleuve à ce moment-là, les gens du fleuve m'ont dit mais on pourrait faire une réponse, et j'ai obtenu que ce soit un énorme livre en grand format, Escale sur l'horizon, qui a très bien marché, ce qui fait que le fleuve a remis une demi-douzaine d'anthologies semblables en chantier, pas seulement sur la SF d'ailleurs, sur la fantasy, sur le steampunk, sur l'horreur, et on a redécouvert le plaisir d'avoir des nouvelles de très bonne qualité publiées en grand format, largement trouvables. On était sorti en fait de l'économie du poche direct pour entrer dans une économie éditoriale plus traditionnelle. Quant au contenu, à mon avis, il se caractérise par deux éléments très forts. Le premier, c'est effectivement un retour du plaisir de raconter. Et là, le rôle de Pierre Bordage est essentiel. Moi, je dirais son rôle et son succès. Un retour de l'imaginaire transversal. Alors, il y a ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des cases classiques de la science-fiction, mais d'un seul coup, on est dans du fantastique, dans de la science-fiction, dans quelque chose qui casse un peu les codes de ce qu'on attend classiquement et de ce que nous a imposé peu ou prou les modes et les classiques de la littérature américaine. Oui, enfin, c'est Gilles Dumay qui l'a théorisé. Il appelait ça la fusion, en fait. Voilà. C'était le mot sous lequel il avait placé le registre sous lequel il avait placé la collection Lune d'encre quand De Noël lui a confié ce qui était présent du futur et qui est devenu Lune d'encre. Donc oui, c'est un imaginaire de la fusion. Il y a beaucoup de science, il y a beaucoup de mélange des genres, il y a du western étrange, il y a du médiéval fantastique, il y a de l'érotisme, il y a de tout. Mais je pense que s'il y a un facteur d'unité, disons, c'est d'abord la joie avec laquelle on a fait tout ça, parce que c'était les années 90, c'était une décennie très heureuse en fait, entre la chute du mur de Berlin et la chute des tours. Il y a eu 10 ans où on a cru que c'était arrivé. Et comme quoi on était vraiment très naïfs. Et donc il y a quelque chose de solaire dans ce moment-là, en fait, qui se sent encore quand on relit les textes de cette époque. Il y a une énergie, une joie de raconter qui ont marqué ce moment-là. Oui. Mireille Rivalon. Oui, je comprends tout à fait ce que dit Serge par rapport au groupe d'auteurs dont on a parlé jusque-là. Mais il y a aussi autre chose qui se passe à la fin des années 90. Vous parlez de Robert Wagner aussi. Alors, oui. Article. Bien sûr, mais il se passe en fait encore autre chose, c'est que il y a tous les auteurs, enfin il se passe à les auteurs de l'édition Nemos, qui en fait arrive 96, en catimini, tout simplement, eux, ils viennent d'un univers ils maîtrisent, en tout cas ils pratiquent le jeu de rôle. Et je veux pas les réduire à cela, mais néanmoins, quand on disait « Ah, mais la télé, qu'est-ce que ça a apporté ? Est-ce que ça n'a pas été trop ceci, trop peu cela ?» Mais le jeu de rôle, là, vient nourrir une envie d'écrire. Mmh. Et du coup, qui rejoint très différemment celle d'un Pierre Bordage et de ce à quoi aspirait aussi Serge et Heyerdahl et Dugnac et tous ces auteurs-là, Sylvie Denis, Roland Wagner. Bien sûr. Tout simplement, eux, ils arrivent avec une autre culture, oui, qui va s'avérer extrêmement prolifique et qui va marquer ces 20 dernières années, à savoir que à travers ce jeu de rôle, c'est la fantaisie identifiée comme telle, ce qui n'était absolument pas le cas au début des années 90. Enfin, on savait, on la nommait, mais on n'avait pas le sentiment qu'il y avait là un gisement très différent par son lectorat et par ses sources. Et cette culture, donc, qui est une autre forme de culture populaire et qui concerne des jeunes lecteurs, des jeunes auteurs, va... Mais elle n'est pas à son apogée, loin de là. Hein. L'apogée, c'est celle que décrit Serge. Par contre, là, il y a cette chose en gestation qui va faire Bragelonne et toutes les années venues. Qui va faire Fabrice Collin, Sabrina Calvo. Ah ben oui, Xavier Mauméjean a commencé là aussi, Johan Elliott. C'est très important. Alors, on va forcément rater des noms dans cette émission, donc qu'ils nous en excusent d'ores et déjà. Non, mais ce qui est important, ce que j'aimerais dire aussi, et ce qui est important de noter, c'est qu'avec l'émergence des années 2000 et donc évidemment aussi ActuSF, qui arrive en 2003, Les Utopiales qui arrivent en 96, c'est aussi la réémergence des grands festivals, ouais. Les Utopiales en 96, Les Imaginales en 2002, Bifrost, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que cet univers qui était très déstructuré et finalement très concurrentiel devient petit à petit un univers construit avec des maisons d'édition qui se répartissent des rôles et qui aujourd'hui devient quelque chose qui semble... En attendant le prochain trou d'air que on espère à personne, mais qui semble aujourd'hui un univers relativement structuré. Et ce que j'aimerais vous faire commenter, peut-être Xavier Delo, un mot là-dessus, c'est l'importance aussi de l'émergence d'Internet et du fait que, à un moment donné, en l'absence de prise en considération par les médias généralistes et par les médias grand public, le fandom, les gens, les amateurs et les amatrices de science-fiction vont se structurer autour de quelques grands comptes, quelques grands critiques internet qui vont d'un seul coup devenir les nouveaux fanzines en fait. Ah oui, le fanzina s'est complètement reporté et déporté sur Internet, avec même l'émergence de webzines, hein, et puis de communautés qui se sont structurées de fans. Moi, je pense en particulier à une association qui s'appelle la Noosphère, hein, oui. Qui est qui est un site bibliographique extrêmement important en France et qui a permis quand même à énormément de fans de pouvoir se retrouver et de pouvoir parler et discuter librement de leur passion, hein, pour la SF, et de faire se rencontrer à la fois les auteurs et les lecteurs, ce qui n'était pas encore forcément le cas justement avant l'émergence d'Internet. Et je dirais même plus que comme les années 80 et 90 sont quand même encore relativement très masculines, je suis persuadé aussi que Internet a permis l'émergence de nombreuses voix féminines dans notre genre qu'est la science-fiction. J'étais en train de relire justement un petit peu Escale sur l'horizon là tout à l'heure. À l'époque, en 98, sur 16 textes, on n'avait que deux femmes, par exemple. Et je pense que c'est en grande partie et même principalement parce que les anthologistes ne recevaient pas de textes féminins. Mais ça, peut-être que Serge pourra nous le confirmer. Non, je confirme. Et aujourd'hui, l'une des principales voix de la science-fiction hexagonale est Catherine Dufour, que l'on salue ici. Mais ouais. Pour arriver aujourd'hui, donc cette science-fiction, elle s'est structurée autour de quelques grands noms. On n'a pas cité Laurent Genefort, qui vient de publier une nouvelle fois chez Albin Michel Imaginaire, qui a été récupéré par Gilles Dumay. Ce que j'aimerais vous faire dire aujourd'hui, c'est finalement, quand on arrive au constat que l'on vient d'entendre dans le journal de la science-fiction, c'est que ce monde de la science-fiction, il est relativement bien caréné. On a aujourd'hui des auteurs qui peuvent émerger via des anthologies, qui peuvent émerger via des collections qui laissent l'accès. On pense par exemple aux novellas de Une heure lumière, du Bélial ou d'autres formes courtes. Et pourtant, Eh bien, comme on l'entend, les ventes sont difficiles. Cette science-fiction-là a du mal à rencontrer son lectorat. Quand on évoquait tout à l'heure l'idée que les Fleuves Noirs se vendaient à 30 000 exemplaires d'unité, aujourd'hui 30 000 exemplaires, ce serait un festival, ce serait la fête. Comment faire? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une profusion? Est-ce qu'on arrive finalement dans le même schéma qui était celui de la fin des années 70 avec trop d'offres, trop d'auteurs, trop d'autrices et qu'il faut resserrer? Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Vallon? Alors, signaler que ce n'est pas que le cas de la science-fiction. Vous avez dit tout à l'heure que le polar avait trouvé ses lettres de noblesse dans les années 90. En fait, il lui est arrivé dans les années 80, pardon. Et il lui est arrivé 10 ans plus tôt, ce qui est arrivé à la science-fiction. Et j'ai connu, quand j'ai commencé moi à être éditrice, c'est-à-dire fin des années 80, j'ai vu progressivement les ventes de folio. Enfin, c'était pas folio, excusez-moi, de la série noire, mais fondre jusqu'à, je me rappelle que fin des années 90, tout d'un coup, c'était le drame quand c'était en dessous de 10 000, un exemplaire. Et ensuite, ça a même disparu, la série noire, et elle a été remplacée par un grand format. Donc, en fait, c'est pas seulement l'ASF, hein, c'est l'édition en général, l'édition de genre populaire en général. Et pour ce qui est de, à partir du moment où on fait ce sont des éditeurs, des petits éditeurs indépendants qui prennent le relais. Ce sont de plus petites capacités de publication, de plus petites diffusions. Et du coup, des recherches, des adhésions du public à ces maisons. Et quand vous parliez des festivals qui arrivent, c'est très bien. Les festivals qui rassemblent tout d'un coup quelques milliers de personnes. Mais ça n'était pas comparable de toute façon. Là, c'est de la fidélité, c'est de la rencontre. En fait, on se reconnaît entre nous. Mais on ne peut pas ne pas citer évidemment Alain Damasio. Alain Damasio vend extraordinairement bien Les Furtifs. On a toujours espéré que la science-fiction ait son grand œuvre qui permette d'attirer les gens et qui soit une forme de locomotive pour le reste de la littérature SF. On voit bien que Alain Damasio vend très bien, mais qu'il n'a pas du tout cet effet de locomotive. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je ne sais pas s'il n'a pas d'effet de locomotive. Quelqu'un comme qui se trouve d'ailleurs sur un tout autre bord politique, qui est Romain Lucazo, a aussi fait un très beau score avec l'Atium, qui a été un des grands événements d'il y a quelques années. Je suis pas sûr, moi, que... Je pense d'abord que le déclin des ventes est peut-être conjoncturel et lié aux multiples crises qu'on traverse, au réajustement du dispositif, etc. Mais je pense que sur l'essentiel, la partie est gagnée. C'est-à-dire que une des choses qu'on n'a pas dites sur les années 90, c'est qu'il s'est passé des choses à l'intérieur du milieu de la SF, mais il s'est passé beaucoup de choses aussi au dehors. En particulier des gens qui sont devenus les grands noms de la littérature française, Michel Houellebecq, Maurice Dantec, oui. Antoine Volodine, Emmanuel Carrère, tous ont lien avec la science-fiction. Tous en ont écrit, pris Goncourt il y a l'année dernière, Le Tellier avec L'Anomalie, c'est un pur roman sur les univers parallèles, holographiques, etc. Donc culturellement, la bataille est gagnée. On voit même de bonnes séries françaises de science-fiction à la télé, ce qui n'était pas gagné depuis OVNI. Très longtemps. Donc OVNI, mais aussi Infinity, qui est très correct. Bon, donc Oxygène d'Alexandre Aja. Donc tout ça, c'est ça à mon avis qu'il faut retenir. Il y a un paysage qui est peut-être en creux parce qu'on traverse une sale période à tout point de vue. Mais culturellement, la France a réussi à refaire son lien avec la SF et c'est très bien. Merci beaucoup. Il aurait fallu des heures de plus, mais nous ne renonçons pas à refaire peut-être un deuxième volet de ces histoires de la science-fiction française. Merci Serge Lehmann. On peut vous lire récemment dans la brigade Chimérique Ultime Renaissance chez Delcourt, dont vous étiez venu nous parler ici. Mireille Rivalan, une dernière publication de La Talente. D'abord, la brigade chimérique, qui est une ancienne publication, mais qui me ravit au plus haut point que Serge puisse continuer à faire vivre la brigade. Et une dernière publication de La Talente, elle est à arriver en août. C'est un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Qui est une merveille et qu'on vous recommande. Xavier Dolo, on peut vous lire notamment dans l'histoire de la science-fiction avec Djibril Morissette, fan aux humanoïdes associés. La méthode scientifique, c'est comme tous les jours Antoine Beauchamp avec Etienne, Amel Boucherka, Céline Lozen, Natacha Triou, Dominique Adson-Vulfran, Alexandra Delbo, Hélène Trigueros à la réalisation, Jean-Guilain Mage à la technique. Et comme d'habitude, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.